quel est ce danger qui plate sa dîmée? Où diable sont les soprans? Mystifiés, tous les journaux, on est mystifiés, on soupçonne complot. Quel manège se dessine? C'est Carlotta puis Christine. Certes, on fait la queue dehors. Les ragots, ça vaut de l'or. Où cela peut-il conduire? Pour ma part, je n'en sais rien. En coulisses, c'est le drame, mais la foule acclame l'opéra. Au diable, Cooper Grain, c'est un potin qui vous assure la réussite. Dites-moi, vont-ils tous filer? Non, mais dites-moi. André, par pitié, le public est là, et cela vous fâche. Le public se rue, mais la troupe se cache. Tant de monde, ça vaut le coup. Ah, un pli aussi pour vous. Cher André le Galac, voilà, Christine s'est avérée sublime. Mais de grâce, la Carlotte, alas, oui d'ailleurs, faut-il que la diva soit encore là alors qu'elle vire au cacochime? Cher firme, un rappel rapide, mes honoraires retardent un peu. Vous risquez votre tête, ce serait trop bête, voire au dos. Notez qu'une dette est une dette, alors payez, cela vaut mieux. Qui a pu avoir l'audace? Sûrement quelques plaisantins. Ce monsieur Sida F. Tout de même, c'est bref, oh fantôme. Ses proches et me choquent. Il se moque, c'est visible. Quel horrible mélodrame. Il réclame des espèces. Ma largesse est à son terme. Rien à faire, me semble-t-il, il est atteint. Qui ça, Carlotta? Mademoiselle Dae, où est-elle? Qu'est-ce qu'on en sait? Je vais attendre, est-ce à vous que je dois cette note? Quelles sont ces sornettes? Allons donc, ce n'est pas nous. Christine n'est pas là. Allons donc. Où peut-elle être? Monsieur, soyons clairs, est-ce oui ou non votre note? Et qu'y a-t-il dans cette soi-disant note? Note. Oubliez Mademoiselle Dae, un ange de musique l'a prise sous son aile, mais inutile de mener l'enquête. Si elle n'est pas de vous, alors de qui? Où est-il? Ah, mes hommes! Votre mécénat, s'y trouve-t-il? De quoi encore? J'ai votre lettre, une lettre qui ne me fait pas plaisir. Est-elle de vous dire? Allons donc! Reprenons-nous! Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Allons donc! Que se passe-t-il? La pire des lettres, comment avez-vous osé l'écrire? Et puis-je dire ce que j'ai bien dû écrire? Vos jours au grand opéra populaire sont comptés. Christine Dae se produira Christine à votre place ce soir. Dae. Mais le pire s'abattra sur vous si vous tentez de prendre sa place. Beaucoup trop de notes à mon goût et presque toutes sur Christine. On en a plus qu'assez de ce nom d'ailleurs. Messieurs, Christine est là. Très bien, mais revient-elle au moins en bon état? Où est-elle à cet instant? Elle se remet, j'y veillerai. Elle s'est cloîtrée. Puis-je la voir? Non, monsieur, elle veut rester seule. Chantera-t-elle? Chantera-t-elle? Ça, c'est dans la note. Faites passer vite. Donnez. Messieurs, je vous ai envoyé plusieurs notes fort aimables et courtoises pour vous indiquer comment mon théâtre doit être tenu. Vous n'avez pas suivi mes instructions. Je vous laisse une dernière chance. Si Christine vous a été rendue, c'est dans l'attente que sa carrière progresse. Dans la très prochaine reprise d'Il Muto, il faudra donc que Carlotta joue le jeune page et que Christine assure le rôle de comtesse. Le rôle que Christine va jouer à l'éclat d'une opale. Le rôle du jeune page est entièrement muet. Messieurs, quelle idée géniale! J'assisterai à la représentation depuis ma loge habituelle, la loge numéro 5, qui me sera entièrement réservée. Si vous ne tenez pas compte de ces ordres, un désastre inimaginable s'abattra sur vous. Je demeure, messieurs, votre humble serviteur, signé F. Christine ! Quoi des menaces ? C'est un complot pour cette Christine ! C'est démentiel ! Et notre corbeau, les ficots, son amant ! Ah oui, que dire à ceci ? Signora ! Signora ! L'unique étoile ! Madame, c'est bien vous ! Signora ! C'est un démon ! Qui donne ses ordres ? Miss Daillé jouera bien le petit page, le sourd muet. Carlotta jouera bien l'héroïne. Comme nous tous. Ce n'est donc pas cette chipie qui va régner sur nous. Signora, non. C'est vous, c'est tout. Prima donna, vous êtes grande et sage, les gens de goût, tous à genoux, vous implorent. Comment partir quand ces gens tous vous aiment? Tant et tant qu'ils vous adorent. Prima donna, enchante-nous encore. Sont jaloux d'eux et à des queues de 100 mètres. Nous sortirons tous en triomphateurs. Chante, prima donna sans peur. Qui couche avec notre mécène, lui et sa soubrette ont pu s'éclairer et net malgré ses beaux serments, s'offrir du vrai monde en plein filet d'aspect, ses petits requins ivrés, encore en italien, en s'égosillant bien. Gageons que cette histoire aurait vraiment de quoi nous faire un parfait opéra.